9-8, observation, adjectif possessif, notre, votre, leur, nos, vos, leur. Masculin, féminin, singulier. Nous avons un cousin et une cousine. Notre cousin est très sympathique. Notre cousine aussi. Masculin et féminin pluriel. Nous avons des cousins et des cousines. Nos cousins sont très sympathiques. Nos cousines aussi. Masculin et féminin singulier. Vous avez un cousin, une cousine? Votre cousin est sympathique? Et votre cousine? Masculin et féminin pluriel. Vous avez des cousins et des cousines? Vos cousins sont sympathiques? Et vos cousines? Masculin et féminin singulier. Ils ont un cousin et une cousine. Leur cousin est très sympathique, leur cousine aussi. Masculin et féminin pluriel. Ils ont des cousins et des cousines. Leurs cousins sont très sympathiques, leurs cousines aussi.